parler de football collégial, les Gaillards de Jonquière ont un entraîneur depuis la semaine dernière. Il s'agit de Philippe Leduc. Donc, il remplace Éric Paquette. Et question de savoir un peu connaître sa philosophie, on lui parle. Salut Philippe! Bonjour Dani, ça va bien? Ça va bien, ça va bien. Philippe, nouveau défi pour toi, pour te connaître un peu. Je pense que tu étais dans l'organisation, je pense, hein, si je m'amuse bien. Oui, c'est bien ça. De 2016 à 2018, là, j'étais commentateur à l'attaque au Cégep de Jonquière. Là, on a remporté deux bols d'or durant mes 3 années. Donc, je suis très content d'être de retour en ville. OK. Qu'est-ce qui a fait en sorte que tu es revenu? Ben, c'est certain que lorsque François là, Laberge, qui est l'ancien entraîneur-chef, qui est maintenant responsable des sports, m'a approché, ben, c'est certain que c'est un programme que je connais. Je connais également l'équipe d'entraîneurs. Il y a aussi plusieurs joueurs que j'avais entraînés là, dans la catégorie cadet. Donc, pour moi, c'était assez intéressant là, de revenir. J'ai un très fort sentiment d'appartenance pour l'équipe. Puis que ce soit mon emploi, c'est à temps plein, c'est peut-être quoi vraiment intéressant. Là, donc, c'est pour ça que j'ai décidé là, de revenir à Jonquière. Et année après année, c'est le fun également, j'imagine, de faire partie de l'organisation gagnante. Les Gaillards, année après année, c'est du solide, là, en division 3, là. Même si j'ai perdu cette année, là. Oui, c'est certain que c'est toi qui est assez intéressant. Toutefois, il ne faut jamais rien prendre pour acquis. On travaille très fort en ce moment dans le recrutement pour qu'on retourne au Bol d'Or l'année prochaine puis qu'on le gagne. Mais c'est certain qu'il y a une belle opportunité là, en termes de compétitivité de l'équipe. Mais c'est sûr que aussi j'avais un bon sentiment d'appartenance. J'aime la ville. J'aime aussi là, côtoyer les joueurs du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Donc, c'est toutes des choses qui ont été très positives pour que je retourne à Jonquière. Quel est le défi qui s'en vient pour Philippe? Ben, c'est certain qu'en ce moment, j'en ai parlé un petit peu dans ma précédente réponse. En ce Ouais, le moment, on est recrutement. en plein recrutement. Donc, on a une équipe qui est assez vieille. On a environ le 38 joueurs qui reviennent l'année prochaine. Donc, c'est certain qu'en ce moment, on recrute vraiment pour nos besoins, des joueurs là, qui vont pouvoir nous aider, puis continuer là, à avoir cette culture-là d'excellence là, au Cégep de Jonquière. Donc, c'est ce qu'on est en train de faire. C'est pas mal ça, mon premier défi, là, que j'ai commencé là, dès ma première journée en poste là, le mercredi que je suis arrivé. OK. Donc, j'imagine que tu vas aller en France cette année encore comme de raison. Parce que si la France, Oui, c'est c'est un coin quand même très, très intéressant. Vous n'avez pas le choix, ben, c'est certain, là, en ce moment, la réalité régionale du là. Ouais. football juvénile fait en sorte que il n'y a pas assez de joueurs pour les deux équipes qu'on est là, de football collégial. Donc, la France là, devient intéressante, c'est certain. Puis, on devrait y aller là, en début janvier. OK. Donc, le recrutement, je sais qu'il y a déjà des annonces de fait pas mal. Je veux passer ça sur les médias sociaux, le recrutement. Donc, ça va quand même assez bien. Est-ce que tu as eu les joueurs pas mal que tu voulais jusqu'à date? Oui, on est très satisfait. On continue à travailler fort. Là, on a encore des très bons joueurs sur notre liste là, qui n'ont pas décidé où ils allaient. Donc, pour le moment, c'est très positif. Mais c'est plutôt un marathon qu'un sprint, là. Donc, tant qu'on ne sera pas à la ligne d'arrivée, on ne sera pas satisfait de notre travail. Là, on continue de recruter des très bons joueurs. OK, dis-moi pour les adjoints maintenant, qu'est-ce qui va se passer avec Philippe? Ben, Est-ce c'est que les. certain Ouais. que. Oui, pardon, vas-y, Dani. Donc, tu te donnes jusqu'à un certain point, jusqu'à quoi, après les fêtes pour nommer tes adjoints ou il y en a plusieurs qui vont revenir déjà, là, d'Éric Paquette? Oui, ben dans le fond, c'est sûr que moi, le coaching staff, là, il y a un seul coach avec qui je n'ai pas coaché en 2018. Donc, je connais pas mal tout le monde. C'est des gars avec qui j'ai eu beaucoup de plaisir à travailler. C'est des passionnés de football, des gens excessivement compétents. Fait que c'est sûr que moi, il y a personne qui va perdre son poste de coach, là. C'est sûr qu'avec le départ d'Éric, aussi François qui se retire du coaching, il va avoir certains changements. Mais moi, dans le fond, je reviens là, comme coordinateur à l'attaque, en plus d'être entraîneur-chef. Puis je vais m'occuper de la ligne offensive. Maintenant, là, c'est de regarder là, le reste de notre staff, ceux qui vont continuer avec nous. Mais tu sais, j'ai déjà commencé à regarder ça. J'attends seulement des réponses positives là, de certaines personnes avec qui j'ai lancé des lignes. Mais il ne devrait pas avoir un gros chamboulement dans l'équipe. Je veux dire, le coaching staff est excellent. Puis on va continuer de bâtir avec les gens qui sont déjà en place. OK. Au niveau de Dolbeau-Missassini, le haut du lac, est-ce qu'il y a des joueurs qui pourraient intéresser Philippe? Ben, en ce moment, c'est sûr que le football, là, il y en a eu un peu moins Ouais. dans les dernières années. En ce moment, tu sais, de Dolbeau même, on n'en a pas, mais c'est certain qu'on recrute là, un joueur de Saint-Félicien en ce moment. Mais Qui est? sinon, là, c'est sûr que qui est en ce moment Jean-Michel Simard, là, qui a joué comme linebacker et running back cette année. Donc là, on attend une visite dans les prochains jours, prochaines semaines. Mais sinon, non, on en avait dans l'équipe des joueurs du Haut-du-Lac, mais cette année-là, c'est un petit peu plus tranquille à cet effet-là. OK. Ben, Philippe, on va te donner la meilleure des chances à la barre de l'équipe. Au plaisir de se parler. Merci beaucoup, Danny, c'est très Voilà, donc apprécié. l'instructeur-chef, le nouvel instructeur-chef, on aura l'occasion de parler Philippe Leduc.